Faites un pas dans le monde de la recherche avec la revue Carnet de Science. Dans ce 7e numéro, climat, biodiversité, pollution, la science peut-elle réparer le monde ? Promenez-vous également au paradis des botanistes à 2000 mètres d'altitude. Sondez l'espace à la recherche d'autres intelligences. Découvrez les promesses de l'immunothérapie. Projetez-vous dans le futur avec les ordinateurs quantiques. Retracez l'histoire d'une cité antique inédite. Reportages, photos, carnets de mission. À découvrir dans Carnet de Science, la revue du CNRS. Tous les 6 mois en relais et librairie. Berlin, c'est avant tout une ville qui ne ressemble à aucune autre. Et dernier épisode de notre série, une ville créative. C'est une ville où on peut vivre de manière ordinaire quand on a 20 ans. Ordinaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver à se loger, rêver de faire sa vie sans un certain nombre d'entraves. Et si j'entendais encore ce matin sur votre antenne quelqu'un qui disait avoir vécu à Prenzlauerberg depuis un certain nombre d'années et ne plus supporter l'atmosphère bourgeoise qui y régnait et d'être allé se réfugier à Friedrichshain. Et à Friedrichshain, par le fait, oui, il y a peu de cheveux gris, il y a surtout des jeunes gens et des chiens. Et je connais une rue où il doit ouvrir environ un café tous les 15 jours et l'atmosphère le soir est là typiquement de ce Berlin contemporain, c'est-à-dire l'atmosphère est très fervente et toute cette jeunesse qui se débrouille là et tous ces gens qui arrivent du monde entier et qui ne savent pas quoi faire mais qui ouvrent un bistrot, mais qui ouvrent une épicerie, qui prennent un vélo pour faire des livraisons, etc. qui se débrouillent, cette ville qui permet aux gens de se débrouiller, c'est vraiment exaltant. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On entendait en exergue l'écrivain Jean-Yves Sandret, installé avec Marine Diaye depuis longtemps à Berlin. Je vous salue, Étienne François, le dernier de nos invités de la semaine consacré à cette ville de Berlin. Bonjour. Bonjour, et moi je vous remercie de m'avoir invité. Peu de cheveux blancs. Bah, vous êtes un retraité, vous étiez professeur d'histoire en France, puis à Berlin, qui a décidé de vivre sa retraite active, je précise, à Berlin. Mais oui, mais pour des raisons toutes simples. D'abord parce que Berlin est une ville que je connais entre-temps de mieux en mieux, mais surtout parce que c'est une ville extraordinairement active et créative, précisément, comme vous le dites. Donc une ville dans laquelle on n'a pas du tout le sentiment d'être un retraité, au sens négatif du terme, mais où on est maintenu en quelque sorte en jeunesse et en activité, et surtout en innovation. Il y a une consigne qui passe assez souvent, ne parlez pas du château. Je voulais qu'on commence, parce que vous êtes professeur d'histoire, en évoquant, en plein centre de ce qui était Berlin-Est, la reconstruction qui s'achève, enfin, du palais de Hohenzollern. C'était une drôle d'idée de vouloir reconstruire ce palais. La reconstruction du château de Hohenzollern est quelque chose qui ne m'a jamais convaincu, personnellement, parce que c'est en réalité une manière de vouloir dire que on peut refermer la parenthèse de la République démocratique allemande. Mais ce château, disent les partisans de la reconstruction, il avait lui-même été démoli par les nouveaux maîtres de la RDA. Le château était encore complètement debout, c'était brûlé, toutes les murs, toute la décoration baroque était encore presque complètement intacte. Et en 1950, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la guerre, le bâtiment était miné pour des raisons idéologique. On voulait éliminer le passé prussien. Nous avons compté, nous avons à peu près en tout 2800 pièces de grès à réaliser, par exemple un aigle, un relief ou une statue. Et on doit conserver à tout ça la légèreté du baroque. Ce que la destruction a eu de brutal et si dommageable, c'est que ça n'était pas seulement la destruction du château, l'œuvre du roi ou de l'architecte, mais aussi la destruction de l'œuvre de centaines de tailleurs de pierre, de menuisiers, de vitriers. C'était aussi l'expression du savoir-faire de l'homme. Cette capitale, Berlin, était dans les dernières années, après la fin de la guerre, ça c'est ma comparaison, comme un œil sans pupille, car au milieu, il n'y avait plus rien. Bertolt Jus, qui à un moment a été responsable du chantier et qui défend, vous voyez, la mémoire des travailleurs qui avaient œuvré au palais des Hohenzollern. Alors ça y est, c'est reconstruit, c'est un pastiche. Très bien reconstruit. Je disais tout à l'heure que je trouvais étrange que dans une ville qui se montre comme une ville de l'avenir par excellence et qui veut échapper à une sorte de dépendance du passé, on commence par reconstruire au centre un pastiche du passé. Mais la raison, c'est la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire une raison avant tout idéologique. Au fond, faire à l'inverse ce que le gouvernement communiste de la RDA avait fait en 1950. Alors plusieurs musées s'y ouvriront, Étienne François, et notamment sur 1500 mètres carrés, un musée d'histoire de Berlin qui insistera sur l'aspect mondial de Berlin. Alors le musée qui va être ouvert, il y aura plusieurs musées dedans, entre autres un musée sur l'histoire de Berlin, et Berlin comme ville mondiale. Ce qui correspond précisément à la fois à, largement à la réalité de Berlin maintenant, mais aussi à l'ambition de tous les responsables de Berlin pour son avenir. Et en quelque sorte, il s'agirait de dire que le passé donne à Berlin ce qu'il doit être dans l'avenir. Alors Berlin mondial, Berlin ville européenne, mais pas nécessairement dans la dimension franco-allemande ou la dimension polono-allemande. Il y a beaucoup de jeunes de l'Europe du Sud qui sont venus à Berlin, où il y a des jeunes qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Heureusement, Berlin est une ville vraiment européenne, et l'Europe c'est heureusement un peu plus que l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'à Berlin il y a beaucoup de Russes. Il y a beaucoup, bien sûr, aussi d'Ukrainiens et de Biélorusses, mais il y a énormément d'habitants qui viennent des Balkans, des Serbes, des Bosniaques, des Croates, des gens qui viennent du Kosovo, et bien sûr, encore de l'Albanie. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'au-delà, d'autres continents, heureusement. Ce qui fait que le continent le moins représenté à Berlin, malheureusement, c'est l'Afrique, alors que c'est le continent de l'avenir du monde. Mais en revanche, il y a beaucoup de représentants de pratiquement tous les autres continents, si bien que Berlin est à la fois une ville européenne au sens plein du terme, parce qu'elle est située au centre de l'Europe au sens géographique du terme, et en même temps une ville mondiale, parce que elle se comprend comme telle et qu'elle l'est aussi à bien des égards. Ce qui se voit entre autres au fait que Berlin devient de plus en plus une ville bilingue dans laquelle on parle l'allemand et l'anglais. Mais c'est aussi la capitale fédérale, les ministères ont fini par s'y installer, la chancellerie s'est installée à son tour dans un grand bâtiment très haut, un peu cerné de murs et qui n'appartient pas vraiment à l'espace public. Mais j'aimerais que vous nous racontiez l'administration fort complexe de Berlin, parce que c'est 12 secteurs, avec chacun des responsabilités beaucoup plus étendues que celles des arrondissements parisiens, et c'est un Sénat, c'est-à-dire le corps des adjoints, mais qui sont aussi comme les ministres d'un land, parce que le bourgmestre de Berlin, c'est aussi le gouverneur d'un land. Berlin, si vous voulez, de ce point de vue-là, est à l'image de l'Allemagne dans son ensemble, c'est-à-dire que administrativement et politiquement, c'est à deux niveaux. Berlin, d'un côté, est la capitale fédérale, mais Berlin, d'un autre côté, est un Land à l'égal de la Bavière, du Bade-Wurtemberg ou du Brandebourg. Et donc, c'est un espace avec une population qui a une très forte autonomie administrative, politique et économique, et qui doit se gérer un peu par lui-même. Et donc, il y a cette double dimension qui est tout le temps en interférence à Berlin et qui contribue, par certains côtés, au dynamisme de Berlin, en particulier parce que la force économique de Berlin est médiocre et que les subventions données par l'Allemagne fédérale pour mettre en valeur la capitale viennent compenser une partie des insuffisances financières de la ville de Berlin. La fonction politique est revenue tardivement, la fonction économique est faible. Du coup, le vide a été occupé par la fonction culturelle. Le vide relatif, parce que Berlin est une ville qui, dont la population augmente. Et elle augmente en gros de 40 à 50 000 habitants par an, sinon plus. Donc c'est pas du tout une ville ni stagnataire, ni, à la différence de la majorité des autres villes de l'ancienne Allemagne de l'Est, une ville dont la population décroît. Hein, c'est une ville en expansion. Et je crois que c'est très important aussi de comprendre cela, parce que c'est une des dimensions de la créativité de Berlin. Mais dans cette ville de Berlin qui est en créativité, l'économie effectivement est faible. Les capitales économiques, on sait bien, c'est Hambourg, c'est Francfort, ou bien c'est Stuttgart. Et il n'y a pas de grosses banques à Berlin, par exemple. Mais la culture, c'est important, et la culture au sens complet du terme. C'est-à-dire aussi bien les musées au sens classique du terme, ou bien les orchestres symphoniques, que tous les orchestres nouveaux et les groupes musicaux contemporains, que les alternatives en matière de théâtre, que les universités, que les groupes de recherche, avec énormément de fondations qui font qu'il y a à Berlin la plus forte proportion de chercheurs et de créateurs étrangers à l'Allemagne. Et pour continuer cette description superbe, Étienne François, ajoutons que le déficit, il a plutôt tendance à baisser parce qu'il a été abyssal dans une ville, comme disait un bourgmestre historique, pauvre. Klaus Wowereind, il est devenu célèbre ici avec une formule. Berlin ist zwar arm, aber trotzdem sexy. En français, Berlin est pauvre, mais sexy. Il y a bien quelques multinationales qui se sont installées. Pourtant, beaucoup d'immeubles de bureaux restent vides. L'une des explications est culturelle. Nous sommes ici dans un pays fédéral et les grandes sociétés peuvent parfaitement se développer à Munich, à Hambourg ou Stuttgart sans être présentes dans la capitale. Autre raison, Berlin est assez excentré, très à l'est sur la carte de l'Allemagne, d'où la construction en ce moment d'un grand aéroport international à Schönefeld, à proximité de l'ancien aéroport de la RDA. Il devrait à terme regrouper l'ensemble du trafic des trois aéroports que comptait Berlin jusqu'en 2008, l'un d'entre eux, Tempelhof, ayant déjà été fermé. Et la ville continue d'investir massivement, malgré un endettement colossal. Elle espère devenir attractive pour les entreprises, pas seulement pour les artistes. Pas seulement pour les artistes. Enfin, cependant, il faut qu'on évoque maintenant, Étienne François, les lieux alternatifs que, malgré votre âge, puisque vous êtes un retraité actif, vous fréquentez, non ? Oui, oui. Inégalement, mais oui, bien sûr. Ce qu'on entend là, ce sont des reportages de France Inter en 2009, autre date anniversaire. Cette même année, un reporter de notre chaîne, Cyril Sauvageau, avait été dépêché dans une boîte de nuit qui est située dans un lieu désaffecté, au confluent de Kreuzberg et de Friedrichshain. C'est-à-dire qu'il y a un tropisme oriental de plus en plus à Berlin, on va de plus en plus vers l'est. Non, on revient vers le milieu. Ah, on revient vers le milieu, parce que Friedrichshain, de même que ce qui est à l'autre quartier qui était à côté, c'est vraiment le centre historique de, pratiquement, ça appartient au centre historique de ce qu'on appelait Berlin-Mitte, toujours aujourd'hui, le centre de Berlin. Et lorsque il y avait eu le partage de Berlin à la fin de la guerre entre les quatre zones d'occupation des quatre alliés qui s'entendaient encore bien ensemble, les soviétiques, qui avaient gagné la guerre et qui avaient conquis Berlin, avaient voulu avoir le centre historique de Berlin. Donc c'est pour ça que on dit que c'est l'Est, parce que ça appartenait à Berlin-Est, mais ceci remonte à 30 ans. Géographiquement, c'est au centre de Berlin. Et c'est aussi pour ça que ces quartiers ont une telle attractivité. Alors il y a deux choses dans ces quartiers. Il y a effectivement les ruines de l'ancienne RDA, avec l'implosion de l'économie de la République démocratique allemande, ce qui fait que de très nombreuses usines ou de grandes constructions sont vides, ne servent plus à rien, puisque l'économie de la RDA s'est effondrée, mais il y a une récréation culturelle de ces lieux dans lesquels on trouve des centres de rencontres, des centres de cinéma, de théâtre, de discussion, etc., etc. Et la boîte de nuit, le Bergen. Et plein de boîtes de nuit. Le nom, c'est la concrétion des deux quartiers que nous avons cités. Boris Grésillon, qui a beaucoup travaillé avec vous, dit que le son de la réunification, des années d'après la réunification à Berlin, c'est la techno. Vous nous emmenez dans la boîte, le club le plus connu aujourd'hui en Europe. Il attire des jeunes venus de tout le continent et en particulier d'Europe occidentale. C'est le Berghain et vous y étiez avant-hier soir. J'ai fait don de mon corps à la science. Je suis allé me perdre dans la nuit berlinoise, dans ce lieu qui fait rêver les clubbeurs du monde entier. Alors, aller au Berghain, c'est déjà une expédition en soi. Il faut le trouver. Il se situe dans un ancien quartier de l'Est, à Friedrichshain, dans un décor de zone industrielle. Et puis tout à coup, on a en face de nous un énorme immeuble stalinien. C'est une ancienne centrale électrique de RDA. Une fois qu'on entre, on est tout de suite dépouillé de notre matériel. Hors de question d'entrer avec un micro, même pas avec un appareil photo. Et là, on découvre un lieu ahurissant, une sorte de cathédrale de béton et d'acier, des matériaux bruts, une déco minimale, pas un seul miroir dans tout le bâtiment. La musique est froide, industrielle, c'est de la techno pure et dure, mais ça convient parfaitement au lieu. La bonne surprise, c'est le public. Malgré la sélection qui se fait à l'entrée, ou peut-être à cause de cette sélection, c'est une faune très variée, mélange de genres et de styles. Ça va du clubbeur gay un peu trash. Le Berghain était d'abord un club gay avant de s'ouvrir à tous les publics. Et puis, on croise aussi toutes sortes de gens, des Français par exemple. C'est typiquement berlinois, enfin, je trouve qu'on est vraiment dans l'extrême cliché de ce qu'on pourrait imaginer de Berlin sur une scène électro. C'est immense, il y a des hauteurs de plafond qui sont incommensurables, j'en sais rien, ça doit faire 15-20 mètres de plafond. C'est un bar vitrifié avec des canettes de verre cassées pour faire du style. C'est des néons verts, des néons bleus, des néons violets. Que ce soit effectivement dans ces escaliers en acier ou au milieu de ces immenses pistes de danse. À la fois c'est impressionnant, à la fois c'est vraiment ce qu'on attend. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Berlin, ville créative avec Étienne François, mais ville évolutive aussi parce que il faut peut-être détruire un certain nombre de clichés maintenant. Les espaces post-industriels reconvertis en friches artistiques, Fer Studio, 40 000 mètres carrés, rachetés par des hommes d'affaires, c'était les hangars d'une ancienne compagnie de transport. Ou, dossier très intéressant, le Tarelles, qui a été acheté à l'État fédéral, qui en était propriétaire du sol, par un investisseur, Fundus, alors que s'y était installé pendant des années et des années des artistes. Alors, maintenant, on est à un moment tournant pour beaucoup de ces lieux. Heiner Müller a dit... Le Tarelles est le symbole de la ville de Berlin réunifiée, bien plus que la porte de Brandebourg. Fondateur de quatre institutions culturelles à Berlin, Jochen Zandig a aussi été l'un des premiers à squatter le Tarelles. En 1990, avec une centaine de jeunes originaires de plus de 40 pays, il a empêché son dynamitage. Le groupe obtient ensuite que le Tarelles soit classé bâtiment historique. Jusqu'à sa fermeture en 2012, c'est là que les jeunes artistes laissent libre cours à leur création. Le nouveau projet prévoit que le Tarelles reste un centre culturel, mais Jochen Zandig doute que les plans soient en adéquation avec une utilisation réellement culturelle du lieu. Il invite les propriétaires à convertir le Tarelles en fondation d'utilité publique. Vous avez décidé de baptiser cet endroit Areal am Tarelles. Vous avez mis le A à l'envers, renversé la situation pour ainsi dire. Alors allez jusqu'au bout et faites une chose vraiment renversante que jamais un investisseur ne ferait. Jamais un investisseur renoncerait volontairement à quoi que ce soit. Reportage d'Arte, Étienne François. On sent bien qu'il y a une certaine forme de normalisation qui est en train de se mettre en place. Des installations qui au départ étaient laissées librement à l'usage de ceux qui voulaient s'en servir, qui sont retransformés en institutions ordinaires, avec les décisions qui sont prises par des détenteurs de capital ou des détenteurs de pouvoir. Donc, tout ce côté innovateur d'un Berlin un peu anarchique se réduit. Mais c'est intéressant de voir comment ces crises de croissance de ces institutions alternatives creusent des contradictions chez les artistes eux-mêmes, parce que beaucoup partent, vont plus loin, ne veulent pas renier leurs idéaux, d'autres sont prêts à négocier et à faire des choses qui sont vendables. Encore qu'il n'y a pas tant de galeries d'art qui marchent très bien à Berlin. Dans le thème des galeries d'art, justement un thème intéressant, jusqu'il y a une dizaine d'années à peu près, en plein centre de Berlin, c'est-à-dire ce qui était autrefois dans la zone de la RDA, l'ancienne zone d'occupation soviétique, il y avait de superbes rues qui étaient dans le style du milieu du 19e siècle, qui avaient été peu détruites par les bombardements, et dans lesquelles les loyers étaient si réduits qu'il y avait des tas de galeries, de peintures en particulier, d'artistes venant essentiellement de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Entre-temps, les prix ont tellement augmenté qu'on voit que ces galeries sont remplacées par des magasins qui vendent des vêtements de luxe, ou bien alors qui vendent des produits très chers, etc. Et là, il y a une sorte de recul, si je voulais dire. Mais ça, en même temps, je crois que ce qui est aussi important, ça n'étouffe pas la créativité. Alors, créativité, est-ce qu'on peut revenir sur le mot, à l'instar des travaux qu'on citait tout à l'heure de Boris Grisillon? Lui, il dit, on est passé de la création, bon, les poètes, les metteurs en scène, parce qu'il y avait des scènes de théâtre aussi dans ces lieux alternatifs, les musiciens, à la créativité. Alors, le web, les jeux, les avocats qui vont avec, dit-il. Alors, la créativité, c'est effectivement la réalité la plus convaincante et en même temps la plus authentique de Berlin, parce qu'il y a énormément de groupes, de personnes, etc., qui imaginent ce que pourrait devenir l'avenir à Berlin même, et au-delà de Berlin, dans l'Allemagne et dans le reste du monde. Il y a, par exemple, je prends un seul exemple, si vous voulez, on cite beaucoup le fait que Berlin a des musées. Mais il y a un musée de la télécommunication qui est très intéressant et dans lequel les enfants peuvent voir comment on se sert des internet et du web. Il y a aussi un musée de la technique, pareil. Et ouvert le 3 septembre et y a Angela Merkel. Et maintenant, il y a le musée de l'avenir, qui s'appelle le Futurium, c'est le nom qu'on lui donne en allemand, qui se trouve au plein centre de Berlin, à côté du Bundestag, à côté de la chancellerie. Entrée gratuite jusqu'en 2022. Et je dis ça parce que vous n'y êtes pas encore. Je n'y ai pas encore été. Il a ouvert seulement le mois dernier. Non, il y a un mois et demi. Et je n'y ai pas encore été. Mais c'est la réussite de Berlin, si j'ose dire. Oui, mais il n'empêche. C'est une institution qui est faite pour permettre à des créateurs et à des créatifs de se retrouver et de travailler ensemble. Enfin, il n'empêche, pour les 85% de locataires. Évidemment, vous faites partie des 15% de propriétaires. Les loyers sont de plus en plus élevés. Alors aussi, la politique des taux faibles de la BCE, ça a joué l'intérêt de nombreux investisseurs étrangers, d'où la multiplication de manifestations. Nous voulons un changement d'orientation de la politique. Nous voulons que notre droit au logement soit respecté et garanti. Nous voulons que la violence des expulsions cesse. Nous voulons que chacun ait un logement à un prix abordable. Nous voulons que la spéculation sur l'immobilier cesse et nous voulons que les politiques l'imposent. Nous sommes favorables à l'expropriation des géants de l'immobilier qui utilisent leurs locataires pour faire gonfler leurs profits. On a construit des logements de luxe ici. On a construit des palais de verre dans la rue de Pettenkopf. Et je tiens à dire que ça ne va pas du tout avec le quartier. Les nouveaux habitants ont bien sûr leurs grandes clôtures et des fontaines dans leur arrière-cour. Je me demande pourquoi les gens viennent habiter ici. S'ils viennent pour rester entre eux, je ne comprends pas pourquoi ils choisissent Friedrichshain. Je ne comprends pas. En tant que citoyen responsable, j'ai le droit d'exprimer mon opinion, pour ainsi dire. La forme d'action choisie par le groupe, faire du bruit contre le nouvel immeuble. Et voilà que la capitale allemande a mis un couvercle sur les loyers, un moratoire de 5 ans pour les loyers existants, enfin les loyers des constructions d'avant 2014, qui concerne 1 500 000 logements. Couvercle qui est très discuté et qui le sera jusque devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Oui, parce que cette mesure, je comprends parfaitement qu'elle ait été prise, car l'augmentation dramatique, qu'on dit en allemand, des loyers qui s'est opérée pendant les dernières années, a eu des conséquences socialement négatives. Après tout, la quasi-totalité des Berlinois de l'Est qui habitaient dans le centre de Berlin avant la réunification ont tous été expulsés. Maintenant, les habitants de Friedrichshain ou bien de Berlin-Mitte, ce sont des Allemands de l'Ouest. Ce ne sont pratiquement pas des Allemands de l'Est. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de la gentrification qui se développe à Berlin, aussi bien dans le quartier de Kreuzberg, qui avant la chute du mur était le quartier alternatif par excellence et qui redevient un quartier bourgeois. Donc il est nécessaire de lutter contre cette tendance qui risque de conduire à une dichotomie de plus en plus grave. Mais en même temps, il faut reconnaître que la décision prise par le Sénat de Berlin avec une conviction plus ou moins forte, parce que les sociaux-démocrates acceptent plus ou moins seulement, est une décision qu'on appellerait en allemand une Notlösung, c'est-à-dire une décision indispensable en dernière minute. Mais ce n'est pas une solution. Le gros problème à Berlin, c'est que pour compenser l'énorme dette, le Sénat de Berlin, il y a 10 ans, a vendu énormément de logements sociaux qui lui appartenaient. Ensuite, comme le Sénat n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il voulait faire des économies, il n'a pratiquement pas construit de nouveaux logements sociaux. Donc il y a eu une diminution du nombre des logements sociaux. À l'inverse, les investisseurs qui savaient qu'il y avait des clientèles qui demandaient de beaux logements à Berlin ont énormément investi. Et en plus, rajoutons à cela que la population de Berlin augmente et parmi ceux qui viennent à Berlin, il n'y a pas que des gens fortunés ou des retraités qui peuvent se payer le luxe d'habiter au milieu de Berlin, tout proche des centres culturels. Parce que ce sont des retraités actifs. Des retraités actifs, excusez-moi. Oui. Mais il y a aussi, n'oublions pas, beaucoup de fugitifs qui viennent à Berlin. Il y a en gros il y a au moins 50 000 réfugiés qui sont à Berlin. Et ceux-là n'ont pas les moyens encore de se payer des loyers élevés. Et nombre de SDF. Étienne François, vous évoquiez des dissensions ou des nuances à l'intérieur du Sénat berlinois, de la municipalité qui fait office aussi de gouvernement du Land. C'est une coalition rouge, verte. Et donc, la sénatrice qui défend cette politique du logement, elle est Die Linke. Elle est de l'extrême gauche, comme M. Brossa à Paris est communiste dans l'équipe d'Hidalgo. Oui, si vous voulez. Ce qu'il y a de, alors là aussi, c'est l'originalité de Berlin et de mon point de vue, la créativité de Berlin. Berlin est le seul Land de l'ensemble de l'Allemagne qui ose avoir une majorité alternative à ce qui est la règle un peu partout ailleurs, c'est-à-dire la grande coalition, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. À Berlin, les sociaux-démocrates sont alliés au parti écologiste Les Verts et au parti post-communiste Die Linke, qui est un parti socialiste, mais aussi profondément démocratique. Et eux veulent une autre politique, une politique qui soit beaucoup plus sociale, tout en étant créative. Et le défi pour le Sénat de Berlin, c'est à la fois de relancer des constructions de logements à bon marché et de limiter la hausse excessive des loyers. On l'a compris, le mot d'ordre d'Étienne François, notre invité, le dernier de notre série sur Berlin. Berlin doit être créative. Merci de nous avoir rejoints brièvement en France. La France qu'au fond, Étienne François, vous avez quitté. La France, je l'ai quittée, oui, c'est vrai. Et une des raisons pour lesquelles je suis heureux d'habiter à Berlin, c'est la créativité. Mais aussi parce qu'il y a des tas de gens qui viennent nous voir depuis la France. Et que comme Berlin est une ville beaucoup plus internationale que la plupart des autres villes allemandes, je suis plus proche de la France à Berlin que si j'habitais à Munich ou à Francfort. Pas mal dit. Adèle Kaito a préparé aux côtés d'Ilinka Negulesco cette émission dont la réalisation était assurée par Étienne Bertin avec à la technique Ronan Maé.